La dédicace par Edmond Jaloux. Comment va, mademoiselle? Demanda-t-il en entrant. La nuit a été mauvaise, répondit la garde malade en hochant la tête. Mademoiselle a une forte fièvre. Victor Stenay accrocha son pardessus au porte-manteau et entra dans une chambre à demi-obscure, toute blanche, où, sur un somno blanc, était allongée une jeune femme qui avait dû être fort belle et qui le demeurait, malgré l'amaigrissement, la pâleur, la fièvre. Des rideaux tamisaient les rayons vibrants de cette fin de jour ensoleillée. Une pendule de Sèvres à bergère et un mouton sonnaient une heure fantaisiste. Depuis plus d'un siècle qu'elle s'exténuait à courir après le temps, elle n'avait pu le rattraper. Il n'y avait partout que des fleurs sans parfum, de longues branches capricieuses de phormium, aux dentelures vertes et au cœur orangé. Il s'inclina vers la malade et l'embrassa. « Eh bien, Marie-Thérèse, nous allons mieux aujourd'hui ?» C'était ainsi qu'il l'abordait chaque jour, et elle le fixait de ses grands yeux noirs, dont les cils démesurés semblaient encadrer le regard. Il avait beau l'aimer, cacher son égoïsme lui demeurait interdit. Pour lui, cependant, séduite par sa gloire de grand poète, son éloquence, son visage émouvant, Marie-Thérèse Pacry avait tout quitté, une famille de bourgeois indulgents, cultivés, des amis, sa ville natale. Et malgré cette preuve d'un amour immense, Stenay n'avait pas voulu lui sacrifier son foyer, car il avait une femme et deux filles. Depuis 3 ans, Mademoiselle Pacry vivait au fond de Neuilly, dans une villa cachée à tous, n'ayant pour unique bonheur que la visite quotidienne de son grand homme. Assis à côté du somno, il entretenait doucement des mille choses rapides et charmantes qui remplissent la vie des gens bien portants. À 40 ans, il portait beau, malgré ses traits ravagés par les passions, sa chevelure blanchie et tout en désordre. Mais ses yeux étaient pareils à des diamants noirs, splendides, scintillants, profonds, et chaque fois qu'il se posait sur elle, Marie-Thérèse tressaillait comme au premier jour. De nouveau, Victor Stenay s'informait de la santé de son amie. Elle répondit avec lassitude « Oui, le médecin est venu. Que pouvait-il me dire? Vous savez bien que c'est la fin, Victor. À quoi bon se mentir? Parfois, il est vrai, je m'illusionne encore et je rêve de partir avec vous pour Luxor ou Colombo. Mais au fond, tout au fond de moi, je sais bien ce qu'il en est. Personne ne m'apportera une remise de peine, et comme une condamnée, j'attends l'aube fatale où la guillotine sera prête. » Voyant des larmes monter aux yeux du sensible Stenay, elle lui dit « Ne nous attendrissons pas, à quoi bon ?» Elle ajouta « Je voudrais voir Ellie. Dites-lui de venir demain avec vous, il me délaisse. » Il n'en était rien car Jules Ellie était le plus fidèle des amis, mais voulant exiger une promesse de Stenay, elle préférait que ce fût devant témoin. Le lendemain, Stenay amenait Ellie, son compagnon préféré et l'unique confident de Marie-Thérèse. C'était un vieux garçon plus âgé que lui, maigre, dégingandé, un peu excentrique, entêté de solitude, qui parlait seul dans la rue, avait horreur de monter dans un omnibus et préparait depuis 15 ans une édition critique du poète grec Lycophron. Il avait pour Marie-Thérèse une amitié tendre et exaltée, et bien souvent il passait la soirée avec elle quand le brillant Stenay accompagnait sa femme dans le monde. La conversation fut vive et légère, et grâce aux deux hommes, Mademoiselle Pacry finit par s'égayer. Mais quand Stenay se leva pour prendre congé d'elle et lui dit « Victor, j'ai une prière à vous adresser. C'est urgent, car dans une semaine je ne serai peut-être plus là. Un jour, vous me l'avez dit, vous publierez tous les vers que notre amour vous a inspirés. Eh bien, je vous demande de mettre en toutes lettres mon nom sur la première page. À ce moment, bannissez tout respect humain. N'ayez souci que d'exaucer mon vœu. J'ai accepté, pour ne pas encombrer votre vie et attrister votre femme, de cacher ma passion. Je me suis sacrifié à vous, mais morte, je demande à retrouver mes droits, au moins sur cette œuvre qui est notre enfant à tous deux. C'est peut-être une vanité. Cependant, je ne le crois pas. Je voudrais que mon nom suive le vôtre dans la gloire, comme celui de Julien Drouet reste uni à Victor Hugo. C'est encore de l'amour, cela. Je vous ai tant aimé. Devant Ellie, promettez-moi cette dédicace. Je vous la promets, fit-il simplement en étendant la main. Il s'en alla avec son ami. Des bourgeons perçaient aux rameaux encore nus. Un ciel de couleur citron s'étendait au-dessus des jardins et des villas. Une écharpe de fumée se déroulait à l'horizon. « Je suis heureux qu'elle t'ait enfin parlé, » dit Jules Ellie. Ses dédicaces étaient son plus cher désir, mais elle craignait de te froisser. « Je comptais le faire, même si elle ne m'en avait rien dit. Je lui dois bien ça, mon vieux. » ce sont d'admirables vers d'amour, mon plus beau titre de gloire à la postérité. J'ai mis le meilleur de moi-même, toute ma jeunesse, toute ma tendresse. Je ne retrouverai jamais une veine semblable. Quant à ma femme, tu penses bien qu'elle se doute de quelque chose. Mais hélas, lorsque mon livre paraîtra, elle n'aura plus guère de motif d'être jalouse. » Elle y eut un léger frisson de tristesse. Ce n'était pourtant pas la première occasion qu'il avait de voir au clair l'incurable égoïsme, la vanité de son illustre ami. Quelques jours après, Marie-Thérèse Pacry n'était plus, et sous un ciel bas, pluvieux et glacé, Victor Stenay et Jules Ellie, seuls, l'accompagnèrent à sa dernière demeure, une chambre toute blanche, mais sans fleurs et sans rideaux. Ils eurent tous deux une grande douleur, mais bien les choses en distrayaient le poète, et quand Ellie ne travaillait pas son lycophron, les soirées lui semblaient pénibles, douloureuses, interminables. Un an après, Madame Stenay mourait à son tour. Une fois seule, morose, découragée, Victor se consacra à son volume de vers, au livre où il avait mis tout son amour pour Marie-Thérèse, toute sa jeunesse, le plus beau de son génie. Mais il n'en était jamais content et sans cesse il y travaillait, raturant, corrigeant, polissant les pièces. Petit à petit, il retourna dans le monde, aspira par tous les pores l'encens des flatteries. Il ne voyait presque plus Jules Ellie, peut-être parce que cet ami trop fidèle lui parlait chaque fois de Marie-Thérèse. Un jour, un camarade aborda le commentateur de Lycophron, tandis que, gesticulant et parlant seul, il passait devant l'Odéon. « Savez-vous, lui dit-il, que Stenay va se remarier ? Je n'en crois rien. Croyez-le, mon cher, je suis toujours bien informé. Il est amoureux fou d'une jeune américaine très belle et très riche, Miss Esther Wilkins. » Ellie demeura rêveur. La nouvelle lui paraissait déjà moins improbable et sa pensée alla mélancoliquement visiter une tombe blanche où seul, maintenant, il portait des fleurs. Un mois de là, il suivait les boulevards quand, à la devanture d'un libraire, un placard lui apprit que Les Chants de Jeunesse, le livre tant attendu de Victor Stenay, venait de paraître. Il s'approcha de l'étalage. Le volume nouveau-né montait en pile bouton d'or. Ellie prit un exemplaire, l'ouvrit au hasard. Stenay avait raison. C'était là ses plus beaux vers, ceux qui contenaient le meilleur de son génie. Ils débordaient d'amour, de lyrisme, de sincérité, et leur forme était impeccable. C'est avec des œuvres pareilles que l'on cingle vers la postérité. Un léger soupir de regret gonfla la poitrine du pauvre critique. Il chercha la première page pour y savourer l'amer plaisir de lire tout au long le nom de son ami. Mais il reposa le livre si brutalement sur la pile qu'elle s'effondra lourdement, et gesticulant, parlant haut, faisant retourner les passants, Jules Ellie s'éloigna à grandes enjambées. Car voici la dédicace qu'il avait lue en tête de l'œuvre. À Mademoiselle Esther Wilkins sont dédiés, en témoignage de respectueux attachement, ces vers écrits pour elle. Ainsi s'achève, cruellement, la dédicace par Edmond Jaloux.